Ok, bah reste calme. Bon, JJ, qu'est-ce qui t'amène sérieusement? Alors, moi j'ai fait de l'art, quoi. Je suis un pro d'improviser des petites chansonnettes, quoi. Ouais. C'est un petit défi, là. J'ai un petit répertoire de Balavoine, Johnny. D'accord. Bah vas-y, balance. Commence par Johnny, tiens, parce que quand même, c'est celui qui est le plus actualisé, parce que Balavoine, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu monter sur scène. Ok, alors un petit titre au hasard. Pardon? Un titre au hasard. Un titre au hasard, quelque chose de Tennessee. Ok. On a tous. Attends, hop là, matos. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Oui, bah alors là, je peux faire pareil. Cette formidable envie de prolonger la vie. Ça va être pareil. Cette force en nous de prolonger la vie. Ces mots à lui avec ses mots à nous. Quelque chose en nous de Tennessee. Oh, Tennessee! JJ, ouais. Moi aussi j'ai un synthé, écoute bien. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, mais attends, tranquille. Enfin celui-là, attends, je change. Ah, il est là celui-là. Attends. Attends, deux secondes, je suis en train de te chercher un truc de ouf, tu vois, un truc. J'ai un synthé techno. C'est le. Ah, en plus, ça va faire envier tous les jeunes parce que c'est le synthé de rêve pour la techno. C'est le Norli de Virtual Analogique. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ça c'est horrible, hein, mais attends, j'ai des sons. Ça pue la spirée. Ça. C'est le meilleur synthé du monde. Attends, c'est du le meilleur synthé du monde. Ouais, tranquille, là. Ça. Ouais. Celui-là. Je sais pas le faire marcher, je l'ai en main et qu'il y a des gamins qui arriveraient de la voix et que ça me fait de la zik. Ça tue. On voit tout de suite le. En fait, Max. Ouais. Maxou, ouais. Si j'ai autant de talent. Oui. C'est pas que grâce à mon matos. Parle devant ton micro. Si j'ai autant. Oh, le micro, ouais. Attends, ouais. Lâchez-moi quand même. Si j'ai autant de talent. Oui. C'est pas que grâce à mon matos. Non, c'est grâce à quoi d'autre? Un professeur Davis. Ouais, professeur quoi? Davis. Ouais, parle devant ton micro, je t'entends pas bien. Le professeur Davis. Oui. Qui m'a apporté le théorème du Picoum. D'accord. Et c'est quoi ça? Alors. Oh là là, on l'entend plus. Plus une sourcive. Il me saoule, lui. Il a une douce. Et c'est un du Picoum, ça. D'accord. Tu connaissais pas? Non. C'est magique, ça vient de sortir, c'est nouveau. D'accord, ok. Bonne soirée, JJ. Merci d'avoir appelé. C'était passionnant. Emmanuel, 30 ans de Carcassonne. Salut, Emma! Salut, Emma! Salut, pardon. Salut, Max. Ce week-end, je suis près de chez toi, hein. Ah ouais, c'est vrai. Je suis au Marina, au Port Barcarès. D'accord, c'est noté. Sur la techno, okay. Ça va être chaud. Alors, Emmanuel, qu'est-ce qui t'amène? Ok, c'était vite fait le stuff, quoi. De quoi? Le problème. Oui, je veux bien, ouais. Vite fait. Donc, voilà, donc en fin de compte, il y a juste 3 ans et demi, quoi. En fin de compte, fait du stop sur une route un petit peu déserte la nuit. Mm-hmm. Et, comment ça s'appelle? Bon, bah, il s'est avéré que c'était la nuit, donc il faisait très très froid. Donc, je me suis réfugié dans une voiture. Je faisais du stop la nuit, il s'est avéré que c'était la nuit. D'accord, déjà, lui, il a pas fumé la moquette non plus. Ça peut encore aller. Mm-hmm. Et donc, dans la voiture, j'ai eu vraiment très très froid aussi. Quoi. Mm-hmm. J'ai passé en ce qu'on appelle de l'hypothermie. Ah, carrément, alors là, l'hypothermie, il faut l'expliquer, c'est que t'es tombé tellement froid que là, t'as été congelé, quoi. Ouais, j'ai... Genre hibernatus, quoi. Ouais, enfin, bon, c'est pour expliquer aux gens. Non, mais il faut être basique avec les gens, sinon ils captent rien. En plus, les tunnels sont à côté de Nantes, c'est hyper sympa. Ouais. Hyper sympa. Mm-hmm. Et donc, en fin de compte, voilà. Donc, je suis sorti de la caisse et là, je me suis aperçu que j'étais carrément dans le désert, quoi. Mm-hmm. Ok. Et puis donc, ce que j'ai fait la première chose qui me venait à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y avait une maison à côté. Et pas une maison, c'est en fait c'est un ancien garage abandonné, enfin, mm-hmm. parce que toutes les pompes étaient éteintes et les voitures abandonnées aussi, où je me suis réfugié. Et j'ai lancé une batterie que j'ai trouvée par terre à côté de la. Comment ça on a eu deux auditeurs qui ont voulu raconter des histoires depuis le début de la soirée. Depuis le début, on dit n'importe quoi, on raconte que des conneries. On en a eu deux. Je crois qu'on a eu, donc on a Emma et Nuel à l'instant, et on a eu, si je me trompe pas, et en plus de ça, manque de bol, le premier auditeur, Stéphane, non, je crois même pas que c'est Stéphane, je crois que c'est Stéphane, qui a voulu nous, non, c'est Jean-François, 32 ans de Tours, qui a voulu nous parler d'un week-end gâché, et ça a été chiant. Ok, Non, mais c'est pas que j'ai contre vous, hein, c'est pas que de nouveau, dire ça y est, l'autre y revient, avec ses gros sabots qui pullent, j'accouche croquant de mes deux, et il permet de refaire sa cisanie ce soir, c'est que vous arrivez, vous voulez parler d'un truc, c'est votre vie, quand même, vous l'avez vécu, vous en parlez comme si vous étiez en train d'inventer une histoire. Bon, d'accord. Est-ce que j'invente des histoires, moi? Ok, donc je termine ici en 3 secondes. Ouais, je veux bien. Emmanuel. T'es déjà arrivé de vivre la nuit. Les gens sont malsains la nuit. Il est dangereux de faire du stop la nuit, Emmanuel, car on y rencontre des astres, des esprits. Emmanuel, la nuit est étrange. Yes. Hyper sympa comme les marsipos. Gérard va nous raconter une petite histoire qui lui est arrivée il y a de cela 75 ans. Gérard aujourd'hui n'est plus le même. Il est transformé. Écoute son histoire abominable qu'il a vécue sur le bord d'une route. C'était en 1895. Merci Gérard pour ta prestation absolument féerique. Quelle l'aura de la proie. Toi, un jour, je vais te faire faire une nuit monologue. Ça va être tip-tap. Tu sais, je vois bien le truc. Alors, le truc avec le jingle, genre. Il est chaud comme la brève. Alors, imaginez qu'au lieu de dire Max, c'est dit Gérard. Tu parles avec ces mots et tu ne pourras jamais oublier. Max, Max, le Star System. Sur Fun Radio. Bonsoir. Ah, ça serait passionnant s'il y avait des blancs comme ça. Franchement, là, tu nous as mis une gouache. T'es toujours là, Emmanuel? Ouais, c'est vrai. Merde. Fais qu'il tente la fête. Ouais, donc je termine mon histoire, quoi. Non, bien sûr que non. Donc, tu veux peut-être. Ouais, termine, vas-y. Ouais, donc en fin de compte, j'ai éclaté cette porte d'entrée, quoi. Et je me trouvais devant deux personnes, ok, j'ai appelé les gendarmes, etc., qui m'ont logé pour la nuit. Il n'y a pas de problème, sauf que j'étais inculpé d'une infraction à l'école et que je suis passé, et je dois faire 6 mois de tôle. Et qu'en fait, j'avais aucune option de voler quoi que ce soit, mais simplement de me trouver une couverture pour pouvoir avoir un peu plus chaud, quoi. D'accord. Ce que j'appelle une erreur judiciaire, quoi. C'est con, mais sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les gens changent, Emmanuel. Si vous pouvez passer de la techno, ça peut être cool. Hein. Oui. Ah. Je vous aime très fort, allez. Oh. Blaireau, hein, GG. Moi, ouais, elle a deux blaireaux depuis le début, c'est naze. Ah ouais, c'est naze. C'est tout naze. Bac théma. Oh, oh, tant. Amigos. Appel. Amigos. 0803 08 5000. Je ne dis pas que tes sujets ne m'intéressent pas. Tout m'intéresse dans la vie. Et si tu viens nous balancer une histoire, au moins sur l'antenne, le minimum, c'est de t'en souvenir. S'il faut que maintenant j'essaie de deviner ce qui a pu t'arriver, là, c'est carrément la galère totale. T'as vu l'heure qu'il est? Regarde sur ta montre, il est minuit et quart déjà. Putain de bordel de merde, alors qu'est-ce que ça passe vite. Déjà minuit et quart et... rien d'intéressant, hein. Je vais faire le bilan de la soirée, tiens, je vais aller vite fait là. Emmanuel, Naz, JJ, très moyen. Antoine, peut mieux faire. Didier, comme d'habitude, fidèle à lui-même, on n'a rien compris. Elisa, de Marseille, pour le moment, tout va bien pour toi. Isabelle, de Vincennes, pareil. Ça peut aller. Stéphane, l'alcoolo, zéro. Moyen. Virginie, 25 ans, première fille de la soirée, ouais. Joël, de Paris, ni oui ni non, tout naze. Pierre Fula, impeccable, rien à dire. Jean-François, de Tours, tout naze. Christian, 56 ans, de la Salle Saint-Cloud, tout bon. Et Stéphane, pour commencer la soirée, peut mieux faire. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous pose la question de l'autre côté, vous foutez de ma gueule? Vous m'avez fait chier pendant 6 mois? Vous m'avez emmerdé, harcelé, vous avez même fait chier mon boss pour que je revienne le soir? Je reviens dans la boutique, je reviens à la maison, j'entends des cris, des pleurs de joie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous contenter d'écouter l'émission comme ça, et puis vous dire, ah, ça y est, on l'a retrouvé avec sa belle voix, puis toute son équipe, et puis... Moi, je veux des gens étranges. Je veux des fils arbis. Je veux du noir, je veux du corbeau. Je veux des gens malheureux, je veux des gens heureux. Je veux des gens blindés de problèmes. Je veux des gens qui ne savent plus quoi dire, qui sont déstabilisés dès qu'ils entendent ma voix. Mais je veux pas des gens qui me racontent leurs vacances, leurs petits week-ends. Hein. Moi, je veux des choses bizarroïdes. Qu'est-ce que t'en penses, GG? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux des gens tout noirs, t'as un petit tout noir à côté de toi, là. Là, juste en face. Sandy, maquillé comme pas d'œuf. Comme un hacha, comme un hacha. Yes, yo. Non, non. Vous plaisantez ou quoi? Je pense que vous l'avez mérité, la Socadence. T'en vas écouter encore un petit peu, écoute ça. C'est tout? Mais c'est tout ce que t'auras. Il m'arrête pas plus que ça. Ah tiens, on va aller faire un petit tour du côté de l'internet. Où il y a des gens qui se mettent la tête dans le cul, apparemment. Ça, c'est chaud. C'est des photos comme jamais on n'en aura jamais vu. Hein. Il y a quelques personnes, quand même, Rigon, on peut peut-être en toucher un petit mot, qui sont sur l'internet. Alors, il y a l'IRC pour dialoguer en direct, puis il y a également une boîte aux lettres. Alors, sur l'IRC, il y a beaucoup de monde. Je vais pas saluer tout le monde parce que combien ils sont là encore? Alors, attends, je tape un peu. Je viens juste savoir, je veux savoir le nombre, le chiffre. Le nombre exact, 55. Foutez de ma gueule, minuit, car il y a que 55 connectés sur l'internet, mais vous êtes des blaires ou quoi? Ça vous coûte gratos. Les blaireaux sont partis, c'est pour ça. Ah! Alors que les gens forts et intelligents viennent sur le site internet irc.funradio.fr pour dialoguer. Et puis sinon, il y a également Il y a le mail de Max. Alors c'est quoi ça? Alors c'est max@funradio.fr. Vous pouvez nous envoyer des messages et des photos. Alors il y a quelques-unes des photos dans l'insu, mais des nazes. Je veux donc des photos de nana, des vraies, des chaudes. Foutez quoi au standard? Vous branlez le zizi? Qu'est-ce que ça va faire? Non mais s'il y a deux pelés et trois tendus pour mon retour, ça sert à rien. Non mais on va faire notre radio nous-mêmes. Hein? Vous me préparez un petit show tous les deux? Salut, on va faire un petit tour du côté de l'IRC, alors non pas de l'arrobas là. Du mail arrobas. Allez vas-y. Alors, on a Jean-Philippe qui est très content de ton retour. Waouh, Jean-Philippe, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Merci. Tu peux pas savoir, sans déconner, ça me touche droit au cœur. Nous avons Capucine, 23 ans de Lyon, c'est de même. Très content. Oh, ben on est ravis alors. Tu es le plus mieux de toute la Terre. Le plus mieux, ben toi tu parles 16e siècle comme moi, c'est bien. Voilà, nous avons aussi Anne qui t'a envoyé un roman. Elle salue le King GG et The Queen Françoise. Ouais. Et les deux bouffons au standard. Ben moi je la remercie. Voilà. À part ça, voilà, il y a beaucoup de mots. Enfin, ils sont très contents. Ils sont très contents, bah c'est bien. Il y a un Jackie aussi. Un Jackie les croissants chauds, ouais. Bah c'est superbe ça. Non, mais on démarre doucement cette nuit. On a quand même ça. On a tapé pendant 2 heures et puis là, ça s'agit un petit peu. On se calme. Hein. Je veux des gens étranges. Je veux que vous me racontiez des histoires étranges. Des histoires un petit peu cul, mais un truc super zarbi, quoi. Des trucs super dark cul. C'est vrai, quoi. Parle pas assez de cul quand même. Parler de cul pour faire comme l'autre, les blaireaux en face, je te bouffe la chatte, alors que t'aimes que sucer de la queue, on va pas faire ça. Non, loin de là cette idée, non. tandis que quand même quelque part on doit se dire depuis longtemps que j'ai quelques petits fantasmes un peu zarbi, un peu sombre, un peu dark, un peu... GG, tu veux pas m'éteindre les postes de télé là? Tu me fais disparaître tous ces postes de télé là. Tu peux pas me les éteindre là? Je sais pas comment que ça s'éteint, c'est ton jeune malheur. Mais tu sais rien faire fonctionner, oui. Oh là là là là, il faut que je fasse tout dans cette boutique. Là, tu mets ta main derrière là. Oh là, puis cette musique de Twin Peaks. Là ouais. Hop là, enfin, ouais sur le côté, voilà. Non là, t'as changé plus au fond là. T'as un gros bout de... Voilà. Éteins-moi tous ces postes de télé. Éteins-moi toutes ces grottes là. Mets-moi dans le noir, bordel, GG, fous-moi dans le noir. Oh là là, fais-moi une ambiance dark. On est bien là, voilà, tranquille. Je suis rétingue de toi. Rétingue car tu vois. C'est la première fois pour moi. Ah. Jamais l'amour chez moi n'avait encore pris ses proportions. Alain Lebec, est-ce que tu es là? Avant toi, je Alain, pas ouais, t'es là? Et toi? Yes, non, mais moi oui. Jusque là, je suis redingue de toi, redingue car tu vois, c'est la première fois pour moi. Je suis redingue de toi. Red dingue car tu vois, Cédine fait ça pour ça. Oh là là, tu m'as pas collé ça au bon endroit. Ah mais si, c'est pas dans ça. Alain, ouais. Quel plaisir de te retrouver. Alors, et toi? Bah moi j'étais là le matin, hein. Tac, tac, tac. Non, je cherche des trucs, je cherche des CD. Ouais. Oh là là. Et Alain. Un jour. Ouais. Gérard, est-ce que tu veux bien nous raconter une petite histoire? Gérard? Ouais. Ça va, toi? Ça va. Très bien. Et toi? Ouais, tranquille. Tranquille. tu vas bien, Alain? Ouais, tranquille, ouais. En pleine forme? Ouais. Alain Lebec, toujours en pleine forme? Ouais, toujours. T'es content d'être avec nous? Ouais. T'es content de nous retrouver le soir? Ah oui. C'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'on est indispensable, hein? Ah oui. Hein? Comme tu dis, oui. Hein? Comme tu dis, hein. Ouais. Ah, Alain Lebec. Le matin, je pouvais pas, moi. Hein. Bah ouais, c'était dur, hein. Non, mais c'est pas ça. Je sortais. Mes chiennes. Bah oui, pendant 3 heures, bien sûr, tu vas nous la raconter, ça. Hein? Alain. Ouais. L'histoire d'un homme qui bégayait de Versailles, qui sortait ses chiens toute la matinée. Ah ouais. Et qui, jouissant du retour de son animateur préféré, a décidé de ne plus les sortir le soir. Il leur a interdit d'aboyer, interdit d'aller déféquer sur les trottoirs propres de la ville de Versailles. C'est alors que Gérard, face à moi, avait lui aussi envie de te raconter une petite histoire. Écoute cette histoire racontée par Gérard. L'histoire, écoute bien. Comment qu'on fait pour faire aboyer un... Non, c'est pas une histoire de vinette. Raconte-moi une histoire, genre, une histoire qui fait peur. Oh, alors là, des histoires que, malheureuses, j'en connais pas. Non, mais invente. Je sais pas, moi... Mais vas-y, parle avec le ton, tu l'as si bien fait il y a une époque. Aurais-tu peur de ta Sandy qui est à côté de toi après? Non, mais elle a déjà t'en raconté une, elle en connaît plus que moi. Mais toi, le problème de Gérard, c'est qu'il fuit comme un traître à chaque fois qu'on lui demande de travailler, à chaque fois qu'on lui demande d'y être le meilleur, alors que tu n'es rien, Gérard. Tu n'es qu'un peureux parmi les peureux, tu n'es qu'un auditeur parmi les auditeurs, alors que tu devrais leur donner une leçon. Te raconter l'histoire d'une petite fille qui, seule dans le trottoir, errait alors qu'il neigeait. Alors qu'elle prenait peur, elle regardait hagard et cherchait quelqu'un pour pouvoir l'aider, la protéger. Une fille de 10 ans dont ses parents étaient déjà partis depuis bien longtemps. Elle marchait, elle avait faim et soif. Je sais que Sandy, ça te rend triste d'entendre ça, n'est-ce pas, ma chérie? Eh oui, exactement. Sandy. Ça me fait très peur. Il n'est pas question de te faire peur, Sandy. Mais juste de te faire réagir. Imagine un instant, Sandy, si tu fermais les yeux avec Alain et toi aussi. Tiens, ferme les yeux, Sandy, pour de vrai avec Gérard. Tiens, écoute. Imagine, Sandy. Je suis là. Tout près de toi. Il erre de partout. Sandy, imagine que tu marches dans les rues. Tu es seul et tu cherches ton Gérard qui déjà depuis bien longtemps n'existe plus. Tu remontes cette rue. Une rue qui, au bout de celle-ci, il y a le beau Gérard, celui avec qui tu as vécu pendant tant d'années, mais qui n'est déjà plus là, il est parti. Et tu sens une présence tout autour de toi. C'est moi, ma chère Sandy. Moi qui suis juste en face de toi, tu as les yeux fermés, tu sens mon odeur et mon parfum. Tu auras beau m'appeler, ma chère Sandy, il fait nuit noire et les minuit passé. Je monte les escaliers, je te frôle l'épaule. Tu m'appelles, tu me demandes si je suis là, et personne pour te répondre. As-tu peur, ma petite Sandy? Oh là là, je suis morte de peur. Elle joue bien la comédie, on dirait comme si c'était vécu du vrai Molière sur les planches de la radio. Des applaudissements, non pas dans le studio, mais vous qui nous écoutez, la petite Sandy, avec son casque inversé, on appelle ça une casquette. Elle est belle, elle est chaude, elle est excitée. Elle est près de son homme. Oh, elle aimerait bien se baisser, aller sous la console et pouvoir un peu le sucer, mais elle attend pour le moment car elle n'est pas pressée. Elle sait que la nuit sera longue avec Gégé. Lui n'en peut plus, il se frotte la moustache, se la triture dans tous les sens. Pouvoir moi aussi me caresser, pouvoir lui lécher la foufoune. Ça donne envie de faire du sexe et l'amour, n'est-ce pas, Alain? C'est pas toi qui diras le contraire, hein? Ouais, comme tu dis, oui. Toi qui n'as pas baisé depuis 1895. Oh non, non, non, c'est bon. 1917. Non. 1929. Oh, sacré sacré Alain, là. Ouais. Ah, ça fait bien plaisir de te retrouver, mon pote. Hein. Ah oui, bah ouais. Tiens, tu vas pas bouger, on va te repasser le standard, d'accord? Ok. Attention les enfants, vous continuez de nous appeler, c'est la radio libre depuis 22h de retour, Max de Star System. Vous êtes probablement surpris de nous entendre et pourtant on est là depuis ce soir. Vous avez tellement demandé, harcelé tout le monde qu'on est revenu rien que pour vous les enfants. Appelez-nous 0-803-08-5000, c'est exceptionnel ce soir le numéro. Il y a le fax également 01-47-47-12-95 et puis l'IRC, irc.funradio.fr sur le site internet pour dialoguer en direct. Il y a Rigo qui vous y attend, le pape de la house, de la deep house music, Larry Heard sur Fun Radio, rien que pour toi ce soir, en direct. le pape de la Deep House, Larry Heard, sur Fun Radio, avec un morceau qui s'appelle Perpetual Radical, extrait de la compilation Highway and Landscape Volume 2. C'est de la Deep Beats, c'est comme ça qu'il l'appelle, et c'est signé sur le label Distance, Larry Heard, sur Fun Radio. C'est dit bon et c'est du chaud. 0803 08 5000 de retour sur la radio. Max, avec toute son équipe, le Star System, au 0803, et voilà, j'en rote un petit coca. Ah, bah, c'est bonne chose qui revienne, hein, quand même. Patrick. Yes. 26 ans de Fontenay, tu vas bien, Patrick? Excellent, excellent, ouais. Bon, qu'est-ce qui, ça va? Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qui t'amène? Bah, moi, puisque apparemment tu voulais des histoires chaudes, enfin, c'est pas des histoires, c'est un événement qui nous est arrivé. Mm-hmm. J'ai un super pote à moi qui s'appelle Arnaud, que je connais depuis 4 ans. Mm-hmm. Et parallèlement à ça, j'ai aussi une copine que je connais depuis 4 ans. Ah bah ça c'est chaud ça. C'est ouais. Moi je pourrais pas en dire autant, j'ai un copain qui s'appelle Sébastien, une copine qui s'appelle Sophie, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins chaud que ce que tu viens de nous dire. Ah ouais ouais, et donc bah, on se connaît donc tous les trois depuis 4 ans, et puis au fil des années bah, on a bien sympathisé quand même, à tel point que bon bah, on a fini par sortir tous les trois ensemble, et donc faire couple à trois. Mm-hmm.